Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022. Nous sommes en direct. C'est Christ. Il est un peu plus de 14h. Il est 14h01. Même, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Sophie de Sophie L Design, qui est là pour nous parler de son métier, de ses créations, de son entreprise, etc., etc. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va très bien, merci. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Sophie Lem, j'ai 47 ans et je suis upcycleuse de meubles et créatrice de bijoux. D'accord. Et donc, du coup, comme annoncé en introduction, vous avez créé l'entreprise, enfin, une de vos entreprises s'appelle Sophie L Design, mais comment vous est venue cette idée de cette entreprise? Surtout que, comme nous le développons, tout au long de cette émission, chez Sophie L Design, vous travaillez sur des créations qui n'ont pas vraiment de rapport les unes avec les autres. Alors oui, effectivement, c'est assez déroutant parce que Sophie L Design, c'est le nom global en fait de mon entreprise. D'accord. Mais elle regroupe plusieurs marques et l'idée m'est pas venue. C'est un long cheminement en fait. Ça a commencé. J'ai eu l'idée de créer cette entreprise lorsque j'ai commencé à recycler des meubles en fait en 2005 pour mon plaisir. Donc c'était un hobby chez moi. J'ai commencé à repeindre des meubles et puis après il y a eu vraiment un très très long chemin avant de me professionnaliser. Et c'était une reconversion professionnelle. Et donc, voilà, en fait, je vous expliquerai au fur et à mesure comment ont été ajoutées les autres parties de la création. D'accord. Et donc, quand nous disons que vos créations n'ont justement pas vraiment de rapport les unes avec les autres, je veux bien sûr parler des types de créations que vous faites. Par exemple, chez Sophie L Design, vous créez, comme vous venez de le dire, des meubles recyclés, et vous créez également des bijoux. Donc pourquoi, entre autres, pourquoi avoir voulu vous orienter vers ces deux activités que, comme je l'ai vu sur votre page Facebook, ce sont deux activités que vous travaillez de front. Alors effectivement, ça n'a absolument rien à voir, mais si on regarde bien, c'est quand même de la création, les deux choses. Et c'est vrai que les bijoux, c'est vraiment arrivé comme un ovni dans ma vie parce que c'était pas du tout un intérêt personnel à la base. Moi, je suis quelqu'un qui ne porte absolument pas de bijoux et j'ai pas du tout de qualification pour être joaillière. Mais ça a été un pendant de ma création en fait qui s'est développé et les bijoux que je crée sont vraiment uniques et originaux. Et donc, c'est quelque chose qui a été rajouté après. Donc, ça fait partie du cheminement. Et comme j'ai adoré en fait faire des bijoux, j'ai pas voulu sabrer cette activité. Enfin, donc j'ai gardé les deux en fait, upcycleuse et créatrice. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez fait, du coup, comme vous l'avez dit, les bijoux, c'était pas du tout votre domaine la base. Mais du coup, est-ce que vous avez fait des études dans le domaine dans le monde du bois avec les meubles ou pas du tout? Alors, absolument pas. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait une hypocagne. Ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure et j'ai été professeur d'anglais. J'ai une agrégation d'anglais. Et donc, en fait, j'ai fait toute une carrière, toute une première carrière en me dirigeant vers l'université. En fait, je voulais être universitaire. Ensuite, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, donc j'ai voulu être journaliste. J'ai fait plusieurs, en fait, je me cherchais. Et donc, j'ai vraiment toute une carrière avant. La plupart des gens me connaissent en tant que professeur d'anglais agrégé. Et donc, les meubles, si vous voulez, c'est arrivé sur le tard et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et je me suis tournée vers un métier manuel et j'ai mis du temps avant de réussir à quitter, en fait, mon ancienne carrière. Donc, c'est vraiment une totale reconversion. Et dans cette reconversion, il y a eu l'ajout de la création bijoux, donc qui est venue comme ça, vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et puis maintenant, ça fait vraiment partie de moi, quoi. D'accord. Et justement, en tant qu'ancienne professeure d'anglais, est-ce qu'il y a certaines de vos élèves qui viennent vous voir et qui disent « Ah, j'aime bien ce que vous faites » ou pas? Alors oui, au départ, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question « Mais madame, quand est-ce que vous allez revenir quand est-ce que cette parenthèse va prendre fin ?» Et puis en fait, je leur ai dit « Mais non, j'ai vraiment quitté pour de bon. » Enfin, pour moi, c'était clair et net que j'avais trouvé ma voie, en fait. Et effectivement, maintenant, ça devient des clients, hein, petit à petit. Puis il y a aussi mes anciens amis normaliens qui m'encouragent, etc. Donc, c'est vrai que c'est un virage vraiment à 360 degrés. C'est quelque chose qui n'a pas été facile à comprendre pour tout le monde au départ. Mais c'est un parcours qui est riche et du coup, j'en suis très fière. Bien sûr. Et du coup, en tant que professionnelle, depuis quand est-ce que vous pratiquez ces métiers du coup, de créatrice de bijoux et d'upcycleuse ? Alors, je suis professionnalisée seulement depuis 2015. Donc, d'accord. C'est relativement récent. Par contre, j'avais déjà mis en vente des choses avant sur des plateformes de vente sur lesquelles les particuliers, en fait, peuvent vendre les créations qu'ils font chez eux. Et donc, j'avais déjà des clients. En fait, enfin, mon premier client, c'était en 2012. Donc, j'étais encore professeure d'anglais à l'époque et ça a été vraiment une totale surprise pour moi qu'on puisse vouloir acheter mes créations. Et du coup, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si j'arrive à trouver une issue pour mes créations, en fait, je pourrais me professionnaliser. Et là, le rêve a commencé. Et puis, j'ai commencé à développer le projet dans ma tête. Et j'ai vraiment quitté l'éducation nationale à l'été 2014, en fait. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, si nos auditrices ou auditeurs se posent la question, en quoi consiste le métier d'upcycler et upcycleuse ? Est-ce que c'est vraiment le recyclage du coup des meubles ou pas que ? Alors, la différence entre un recycleur et un upcycler, je pense que c'est que le recycleur, il va remettre un objet en état. C'est-à-dire, il va le ramener, vous avez un objet A, vous le ramenez à son état neuf, en fait. Par contre, un upcycler, il va apporter une valeur ajoutée à un objet. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot up dedans, c'est parce qu'on ajoute une valeur supplémentaire. Et moi, dans mon cas, en fait, je vais pas me contenter de repeindre un meuble, qui est blanc, je vais le mettre en gris, ou qui est en bois, je vais le mettre en couleur. Je vais vraiment faire une création à partir de l'existant et je vais l'amener peut-être vers quelque chose de complètement différent. Donc je produis un objet d'art, en fait. Donc un upcycler, c'est quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée à l'objet. D'accord. Et du coup, j'ai cru comprendre, comme vous l'avez un petit peu dit également, en faisant des recherches, en préparant cette émission, que vous avez du coup commencé à repeindre des meubles chez vous comme un hobby, ouais. Dont les anciens propriétaires avaient jeté, voire des meubles qui étaient inutilisables. Donc, est-ce que vous direz que c'est vraiment comme ça que vous est venue cette envie de créer l'entreprise que vous avez aujourd'hui, de créer une entreprise qui réalise ça ? Alors absolument oui, j'habitais à Paris et je voyais toutes les semaines les encombrants, en fait. Je voyais des meubles magnifiques, enfin, pour moi c'était vraiment un crime de lèse-majesté. Je voyais des carcasses de fauteuils design, je voyais des canapés baroques, enfin je devenais folle, en fait. J'avais développé une sorte d'obsession pour les chaises et du coup je voyais tous ces objets encombrants sur les trottoirs et je me disais mais quelle richesse perdue, en fait. C'est des objets qui vont être détruits, ça prend de l'énergie, en fait, de les détruire, hein. Et donc du coup j'ai commencé comme ça à récupérer tout ce qui était récupérable. Et c'est vrai que je l'ai ramené chez moi, mais pour m'amuser, en fait, hein. Je me disais tiens, je vais repeindre celui-là en rouge. Et j'ai tout de suite reçu des compliments sur la manière dont je recyclais. Et puis petit à petit je me suis dit mais je vais en avoir de plus en plus, et donc l'idée de les vendre est venue, et voilà. Mais c'est vrai que au départ, c'était surtout en voyant sur les trottoirs la quantité d'objets qui atterrissaient comme des épaves. Et c'est un peu comme les vieilles voitures, vous dites toujours, mais on pourrait tellement les remettre en circulation, ça serait tellement génial de les voir refonctionner, voilà. D'accord. Donc, pour les meubles, c'est pareil. D'accord. Donc, ensuite, j'allais vous demander, diriez-vous que vous vouliez faire ce métier ou quelque chose qui s'en rapproche depuis toujours, mais comme vous l'avez dit, pas spécialement ? En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire jusqu'à très tard dans ma vie. D'accord. Et je savais quand même que j'étais constamment insatisfaite par mon parcours, parce que ça a été une grosse déception. En fait, c'est un gros rétrécissement, si vous voulez, quand vous arrivez en hypocagne et en cagne. Vous avez énormément c'est complètement pluridisciplinaire. Donc, il y a plein de matières que vous étudiez. C'est très enrichissant. Et au niveau de la culture, ça apporte énormément. Et après, une fois que vous avez un intégrer l'école normale, on vous spécialise. Donc moi, j'étais spécialisée dans l'anglais et j'étais spécialisée dans... Enfin, je suis devenue une linguiste, en fait. Et du coup, ben, c'est vraiment un rétrécissement. Enfin, c'est un peu comme si on vous met dans une case et on vous dit, voilà, tout le restant de ta vie, tu vas rester à fonctionner dans cette case. Et moi, j'avais vraiment... j'avais un exemple avec mes grands-parents qui étaient des personnes très, très manuelles, qui se sont formées tout seules. Même mon père s'est formé tout seul. Et donc, je me suis dit, mais j'avais constamment une insatisfaction de ma carrière actuelle et j'arrivais pas à me trouver. Et puis, je voulais vraiment revenir à quelque chose de manuel, avoir de la matière dans les mains, en fait. Donc, ça, je le faisais comme un hobby, si vous voulez. Chez moi, j'étais tout le temps en train de fabriquer des choses, refaire des choses. Mais j'avais pas forcément l'idée d'en faire un métier. Et puis, les meubles ont vraiment déclenché quelque chose chez moi, une sorte de passion qui a fait que ça m'a amené très loin. D'accord. Et donc, du coup, derrière tout ça, derrière votre activité d'upcycleuse, il y a vraiment une volonté de donner une seconde vie à des meubles, une volonté de dire que même si ces meubles sont vieux ou sont cassés, ils peuvent encore être utilisés malgré leur état qui peut être un peu avancé. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose dont les gens devraient prendre conscience. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de meubles anciens qui sont jetés. Et le problème, c'est que les meubles nouveaux qui sont créés ne sont pas d'aussi bonne qualité. Si vous achetez aujourd'hui dans les grandes enseignes des meubles, ils vont tenir 5 ans, ils vont tenir 3 ans et ils seront fichus. Alors qu'un meuble en chêne, aujourd'hui, on trouve des meubles des années 30 qui sont en parfait état. Donc pour moi, c'est vraiment c'est la preuve qu'à l'époque on a utilisé des matériaux de qualité qui durent dans le temps. Et donc pour moi, c'est vraiment dommage de jeter la qualité et de garder le. Enfin, si vous voulez, c'est la société de consommation. Hein, on veut tout le temps changer et on peut changer. Moi, j'aimerais faire prendre conscience aux gens qu'on peut changer, mais en gardant la qualité. En fait, il faut garder tout ce qui est de bonne qualité. Et on a une réserve incroyable. En fait, on est capable de recycler. On n'a pas besoin d'abattre des forêts pour créer des meubles. On a déjà des tas de meubles qui attendent dans les greniers. Dans les garages des gens, d'être remis dans un séjour. Enfin, et puis les modes tournent aussi. Hein, les meubles des années 50, c'est hyper tendance actuellement. Bon, qui aurait dit ça dans les années 60? Tout le monde voulait s'en débarrasser. Donc, il faut avoir une vision un peu plus à long terme, se dire que le recyclage, c'est vraiment très important, qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire du neuf complètement. Enfin, qu'en tout cas, on doit se tourner vers de l'économie durable et donc le recyclage, ça en fait partie, c'est très important en fait. Dans tous les aspects de notre vie, c'est pas seulement recycler, c'est pas seulement trier les poubelles, c'est aussi utiliser l'existant au lieu de produire du neuf. Enfin, pour moi, ça c'est ma conviction. D'accord. Donc il va être 14h14, avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie et que nous écoutions pour commencer le célèbre groupe Coldplay avec leur morceau intitulé Higher Power. Voilà, l'accent anglais est toujours présent. Nos auditrices auditeurs le savent. Voilà, cette chanson, je pense que tout le monde l'a déjà entendue au moins une fois dans sa vie. C'est une chanson assez connue. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, ce morceau est plutôt typé synth-pop, pop-rock. Il est sorti l'année dernière, en 2021, le 7 mai précisément. Et c'est un morceau tiré de l'album Music of the Spheres du groupe. Album sorti le vendredi 15 octobre 2021, donc il y a trois mois. À peu près. Il s'agit d'ailleurs du 9e album studio du groupe. Donc, on écoute Coldplay et leur titre Higher Power et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes 30. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I like, kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone. Up shaking just to let you know now. Et voilà, on discute, et puis on rate la fin de la musique. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h18. Et vous venez d'écouter Coldplay avec leur titre Higher Power. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Sophie L Design, qui est là pour nous parler de son métier, de son entreprise et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours? Oui, très bien. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau? C'est un morceau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et puis, quand j'ai un petit coup de mou, j'écoute ce morceau et ça me redonne la pêche. Donc, je l'écoute en boucle pendant, au moins une demi-heure. Et après, je me sens mieux. Ça m'apaise, ça me redonne de la joie. Donc, voilà. C'est vrai qu'il met de bonne humeur. Ouais, exactement. Ouais. C'est souvent le cas avec les titres de Coldplay. C'est vrai. Surtout parce qu'on a la chance d'avoir un temps ensoleillé aujourd'hui, un ciel bleu. Les températures ne sont pas forcément au rendez-vous, mais au moins on a une jolie météo, et avec ce son c'est parfait. Voilà, donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission. Donc je crois savoir que vous expérimentez différentes techniques de peinture et de rénovation. Alors, différentes techniques de peinture, oui. Et j'ai aussi j'ai commencé à apprendre la tapisserie en siège, parce que pour lorsqu'on refait un fauteuil ou lorsqu'on refait un siège, il faut faire de la tapisserie en siège. Mais j'ai vraiment que les rudiments. Et je travaille avec une collègue, une créatrice de meubles qui s'appelle Fleur Pierson, et qui a un atelier de tapisserie donc à Mirecourt qui s'appelle Atelier d'Éco-Style. Et c'est une personne qui m'aide en fait pour faire tout ce qui est technique dans la tapisserie, parce que j'en serais absolument pas capable. Donc elle a fait les beaux-arts, donc elle a à la fois un sens artistique et en même temps elle a la technique que moi j'ai pas. Et donc par contre en tout ce qui est peinture, je prends les décisions en fin de compte. Et voilà, donc récemment on a fait une œuvre à quatre mains que vous pourrez découvrir sur ma boutique. Donc on a fait une série de chaises ensemble. Donc elle a fait la partie tapisserie et moi j'ai fait la partie peinture, et ça fonctionne très bien en fait les deux ensemble. Voilà. Faudrait que que j'essaie de, pourquoi pas, la contacter pour faire une émission. Ah, tout à fait, oui, oui, bah, je pense qu'elle serait ravie. Il faudra juste que vous me rappeliez le nom et le nom de son entreprise à la fin de cette émission. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, dans le passé, comme vous l'avez dit au début de cette émission, j'ai cru comprendre également que vous allez produire un certain nombre de pièces avant de penser à les vendre pour espérer en vivre. Donc, comment diriez-vous que ce déclic vous est arrivé dans votre vie ? Eh ben, écoutez, alors justement, c'est que j'arrêtais pas de créer, j'arrêtais pas d'avoir des idées, j'arrêtais pas de récupérer. Et le problème, c'est surtout quand on habite dans un appartement parisien, c'est vite la place. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il va falloir trouver un aboutissement, en fait. Hein. Soit je les offre, soit voilà, au début, donc on en offre, on commence à les gens, on commence à distribuer. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais il y a peut-être qu'il y a des gens qui voudraient payer, en fait, pour voilà. Donc, faudrait trouver des clients. Donc, le déclic, il est là, c'est quand vous avez produit un certain nombre de pièces et que vous dites, ben, je peux pas tout garder chez moi, tout ne va pas dans mon intérieur. Donc, à un moment donné, vous dites, ben, pourquoi pas essayer de se professionnaliser, et c'est comme ça que les choses arrivent, en fait. D'accord. Et du coup, dans votre carrière, dans votre vie, je crois savoir qu'il y a une année qui a marqué votre carrière et votre vie, c'est l'année, enfin une des deux années, on parlera de la deuxième année juste après, l'année 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Oui, c'est une année magique en fait, l'année 2007-2008. C'est une année que j'ai pris pour réfléchir à ma vie en fait. Donc j'ai préparé à partir de 2007, dans le courant 2007, je me suis dit que j'étais insatisfaite de ma vie et j'avais besoin de prendre une année sabbatique. Donc j'ai préparé un tour du monde et j'ai fait le tour du monde en fait pendant 12 mois. J'ai voyagé parce que le voyage c'est aussi une de mes passions et du coup j'ai visité 37 pays en tout. J'ai pu enfin parler espagnol que j'avais appris à l'école, ça m'a enfin servi. Et puis j'ai fait 6 mois en Amérique latine et tout le reste, j'ai commencé par la Jordanie. Et si vous allez sur mon blog, vous allez trouver en fait le récit de mon tour du monde. Et pour moi, c'est une année qui est fondatrice parce que elle m'a remis les idées en place et puis elle m'a fait découvrir que j'avais une passion dévorante pour le voyage et pour la terre en fait. Et donc j'espère bien en faire un deuxième au courant de ma vie, mais je trouve que c'est une expérience que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, voyager comme ça, peut-être tout seul pendant 6 mois, pendant 12 mois, pour juste prendre le temps de se poser et simplement de regarder le monde. Je pense que c'est très important, c'est très enrichissant et on en a besoin. Voir du paysage, voilà. Se ressourcer. C'est sûr qu'en période de crise sanitaire, c'est un peu plus difficile, mais les choses reviendront certainement à la normale à un moment donné. Et voilà, il faut se préparer et puis partir. Tout à fait. Et donc, maintenant, la deuxième année qui a marqué votre carrière, c'est l'année 2011. Alors, je dirais plutôt que c'est l'année 2012. D'accord. Donc, parce que, en 2011, c'était encore compliqué pour moi. Donc, j'avais une situation un peu instable. Et en 2012, en fait, ce qui a commencé. Enfin, disons que je vais être honnête avec vous, suite à un échec sentimental, j'ai pu réussir à créer mes meubles. Donc, j'arrivais plus à toucher un pinceau. En fait. D'accord. Et du coup, j'avais toujours quand même envie de créer, mais je me suis tournée vers une autre matière, la pâte polymère, et j'ai commencé à créer en fait des miniatures. Et le fait de créer des miniatures, en fait, c'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie, parce que vous faites des objets qui sont minuscules, donc vous pouvez créer un monde en miniature, et ça vous permet de reprendre confiance en vous, ça vous permet de reprendre un contrôle sur votre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai commencé à faire des tout petits objets chez moi, un peu déprimée, etc. Et puis je me suis de plus en plus amusée à les créer. Puis après je me suis dit, ça en bijoux ça marcherait. Et du coup j'ai adapté les miniatures en bijoux. Puis c'est vrai qu'à l'époque il y avait une mode en fait de faire de la pâte polymère, de faire des petits gâteaux, des petites choses comme ça, de la cuisine miniature en fait. Donc c'était la grosse tendance, c'était de faire des cupcakes, des petites choses. Et du coup j'ai tout de suite eu des gens qui m'ont demandé de leur en faire. Et puis après en 2012, à ma grande surprise, je suis sortie d'un cours que je venais de donner et j'ai constaté que sur le site où j'avais mis mes créations, j'ai fait ma première vente. Et donc là ça a été un choc parce que je me suis dit, mais je vais vraiment réussir à les vendre en fait. Et voilà, ça a commencé. Donc ça a été le début d'un long parcours pour les bijoux aussi. Et voilà. Donc, effectivement, mon activité, à cette époque-là, j'étais pas encore professionnalisée, c'est-à-dire c'était qu'un hobby. D'accord. Encore, les meubles étaient un hobby, tout était un hobby. Je faisais ça comme une deuxième activité, en fait, entre les corrections de copies. Et puis, c'est parti sur les chapeaux de roue. Et là, je me suis vraiment mise à me dire, mais il faudrait peut-être que je lâche, en fait, et puis que je change de vie. Et du coup, c'est à ce moment-là que votre activité et du coup votre entreprise ont évolué, coup, grâce à, finalement, un mal pour un bien. Bah, exactement. C'est ça. C'est arrivé comme un ovni. Je me suis dit, mais en fait, j'adore. Et du coup, j'ai continué. Et puis, les gens aussi ont adoré ce que je faisais. Enfin, j'ai tout de suite aidé des gens qui ont. Parce que c'est des bijoux assez humoristiques, quand même. Donc, les gens ont tout de suite adhéré. Et puis, ça a fait évoluer mon entreprise, enfin, ma future entreprise, en fait. Ça lui a fait faire un pas énorme, en fait, les bijoux. Et du coup, c'est à ce moment-là que, quand vous avez ajouté du coup les fameux bijoux à votre boutique, que les clientes et les clients ont commencé à acheter les meubles. Exactement. C'est-à-dire que j'avais tellement de visites par rapport aux bijoux que tout d'un coup, les gens se disaient « Ah, mais elle fait ça aussi ». Et du coup, c'est vrai que là, ça a été... Bon, après, ça a été beaucoup plus long. J'ai tout de suite eu des compliments aussi sur mes meubles, mais de là à vendre un meuble, ça a pris vraiment un temps interminable avant que... Si, il y a des gens qui m'ont acheté des petites choses comme des tabourets, etc., mais vendre mon premier gros meuble, ça a quand même été un long chemin avant d'y arriver. Je dis ça pour les gens qui voudraient se dire je veux devenir upcycler, je vais mettre un meuble en vente, il va se vendre. Non, moi j'ai attendu 2 ans avant de faire ma première vente bijoux, et ensuite j'ai attendu peut-être 3 ans de plus avant de revendre quelque chose, un meuble. Donc c'est pas magique, quoi. Oui, la vente, c'est, il faut que le client ait confiance, et puis ça vient pas, et c'est beaucoup de travail, en fait, pour mettre les gens en confiance. C'est sur la longueur, du coup, ça prend exactement, du temps. Exactement, ouais. Et donc, du coup, à ce moment de votre carrière, quand vous avez vu du coup cette flambée des ventes, vous êtes revenu à votre passion première, les meubles, mais sans pourtant abandonner les bijoux. Donc, à quel point c'était important pour vous de garder les bijoux en plus des meubles? Comme je vous ai dit, en fait, c'était, si vous voulez, pour moi, les meubles, ça a toujours été, c'est mon activité sérieuse. Je fais du design, pour moi, c'est sérieux, c'est noble, etc. Par contre, les bijoux que je fais, c'est fun, c'est ludique, c'est un peu comme si je prends le temps de m'amuser, du temps que j'avais pas pris étant enfant pour m'amuser. En fait, c'est comme un retour en enfance, donc c'est quelque chose qu'on peut pas le laisser tomber. C'est comme si on vous disait, je vais arrêter de jouer. On peut pas, quoi. Donc pour moi, la création de bijoux, c'est vraiment un jeu, et je m'éclate en faisant mes bijoux. Les gens, je les fais rigoler, je rigole moi-même. Parfois, je suis là en train de fabriquer un objet et je suis morte de rire de l'objet que je suis en train de faire. Donc pourquoi j'arrêterais? Ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir aux clients. Donc c'est vraiment, en plus, c'est complémentaire, parce que parfois j'ai pas tout le temps l'inspiration. Donc les deux inspirations se croisent, et quand j'en ai marre de faire un gros objet, je fais un tout petit. Et pour moi, c'est important d'avoir une pluridisciplinarité, comme je l'avais dit avant. Enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas à me spécialiser dans quelque chose. Je pourrais pas refaire tout le temps le même bijou, ou tout le temps le même meuble, ou le même objet. J'en suis pas capable. Oui, vous avez besoin de, peut-être, de, pas d'évolution, mais de diversité. Exactement, ouais. D'accord. Donc il est 14h29, depuis vous avez créé 5 marques, mais si vous voulez on en parlera juste après la prochaine pause musicale. Oui. Voilà, nous allons écouter, du coup c'est vous qui l'avez choisi une nouvelle fois, oui. Et que nous écoutions The Delta Bombers avec le morceau intitulé Jump Back Baby, toujours au niveau des quelques références. Ce morceau est plutôt typé rock, il est sorti en 2018 et il est tiré de l'EP 8 titres Pressure and Time du groupe, des Delta Bombers, EP sorti le samedi 13 janvier 2018. Donc on écoute ce morceau des Delta Bombers et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 3 minutes, pour parler du coup de vos 5 marques et de poursuivre cette émission, car on a encore un petit peu de temps. Donc du coup, à tout de suite sur Radio Gamozo. We'll be right back. shiver like a wet dog rolling from the mantle pot. You got me by the leash and you're dragging my face into the ground. I said I drove back a baby, here goes. Oh, well, I drove back a baby, here goes. I said I drove back a baby, here goes. Oh, well, I drove back a baby, here goes. I don't need you now and I don't need you. Eh bien, encore un blanc. Bon, écoutez, hein, on est habitué avec Chris et Fréquences Libres. Voilà. Donc, vous êtes de retour du coup sur Radio Yemozo, sans cette FM. Vous venez d'écouter le groupe, les Delta Bombers, avec leur morceau intitulé Jump Back Baby. Et nous sommes toujours en compagnie à 14h33 dans nos locaux de Sophie El Design, qui est là pour nous parler de son métier, de son entreprise et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Super moment. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avez-vous choisi d'écouter ce morceau de Delta Bombers ? Alors, bah, c'est un groupe que j'ai découvert très récemment aussi. En fait, à l'été 2020, j'ai développé une passion pour la mécanique automobile. Et donc, je regardais toutes les émissions pour voir comment on dépiote un moteur. Et souvent, dans ces émissions, il y a beaucoup de rock, de rockabilly, mmh. tout ça. Et je pense que ça devait être dans une des émissions. Puis, par curiosité, je suis allée voir sur YouTube. Et voilà, je les ai écoutées, je les ai tout de suite adorées. Et voilà, bah ça donne la pêche aussi, j'aime bien. Aussi, bah, les trois chansons que vous avez proposées donnent la pêche, même ouais. la troisième qu'on écoutera un petit peu plus tard. Donc du coup, on va reprendre cette émission. Et comme nous le disions avant cette pause musicale, maintenant vous avez développé cinq marques. Donc quels sont leurs noms ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cinq marques du coup ? Oui, alors donc, tout d'abord il y a Sophie El Design, qui est la marque des meubles et de la déco vintage. Ensuite, il y a mes bijoux Fantasy, qui donc la marque s'appelle The Sausage. Alors au départ, ça s'appelait Saucisse Intrinsèque, mais donc c'était très marrant pour les clients français. Par contre, comme je travaille sur une plateforme qui est américaine, qui s'appelle Etsy, E-T-S-Y, du coup, il y a beaucoup de clients américains et du coup, bah, le nom, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Enfin, ça leur dit rien. Donc, du coup, j'ai changé mon nom de bijou et donc ça s'appelle The Sausage, comme une saucisse en anglais. Et ensuite, en 2013, j'ai créé une marque de bijoux naturels, parce que ça a été aussi une évolution des bijoux où je me suis dit, mais bon, j'ai une part un peu écolo qui se disait, mais j'en ai marre de fabriquer des petits bijoux en plastique, j'aimerais bien qu'ils soient en matière naturelle. Donc j'ai créé une autre marque qui s'appelle All Things Natural, toujours en anglais, donc All Things Natural France. Et donc là, ce sont des bijoux qui sont fabriqués à partir de matières comme des feuilles, des coquillages, des galets, enfin tout ce qui est naturel en fait. Donc ça, c'est la troisième marque. Ensuite, comme je suis recycleuse avant tout, j'ai aussi commencé à recycler les tissus. Donc, parce que je me suis rendu compte que dans la tapisserie en siège, en fait, il y a énormément de déchets tissus qui sont pas pris en charge et qui sont jamais. Enfin, c'est des tissus qui sont magnifiques en fait, hein, qui valent très cher. Et puis, bah, souvent les échantillons ou les déchets partent à la poubelle, alors qu'en fait, on pourrait très bien une couturière à la maison pourrait très bien les utiliser comme coupons. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de créer une mercerie de récup. Donc, toutes mes marques, enfin tout ça, c'est tout en ligne. Il n'y a pas de boutique physique. Donc ça s'appelle Saucisse Mercerie, pour continuer la métaphore. Et puis la dernière idée que j'ai eue, c'est de recycler les livres, puisque j'ai une longue carrière littéraire avant ma carrière d'entrepreneuse, et du coup j'avais amassé un nombre de livres assez impressionnant chez moi, et du coup j'ai ouvert une boutique pour vendre les livres d'occasion. Et puis le marché du livre d'occasion se porte très bien. On croit que les gens en lisent sur des supports électroniques, mais en fait non, il y a énormément de gens qui achètent des livres d'occasion. Donc voilà, ça c'est c'est la petite dernière née. Et il n'y en aura pas d'autres parce que je suis déjà un peu une femme orchestre et j'arriverai pas à tout gérer s'il y en a plus. Mais voilà, ce sont mes marques. Donc Sophie's Books, Saucisse Mercerie, All Things Natural, The Sausage et Sophie L Design. Et ce qui chapeaute tout ça, en fait, mon entreprise en fait s'appelle Sophie L Design. Donc si vous cherchez ça, vous allez trouver toutes les autres marques. D'accord. Et donc imaginons que demain, quelqu'un dans la rue, par exemple, vous dit de choisir entre travailler les bijoux ou travailler les meubles. Qu'est-ce que vous répondriez ? Alors, je répondrais non. Je répondrais que je ne peux pas choisir et que c'est comme si vous disiez dans tes doigts de la main lequel tu veux enlever. Donc non, je garde tout. Je vais tout garder. Je vais tout développer. Je ne pourrais pas choisir entre les deux. Et justement, comme vous venez de le dire, vous ne pouvez pas choisir. Et donc, pourtant, comme on l'a dit au début de cette émission, vos premiers amours, on va dire, sont les meubles et non pas les bijoux. Oui. Et donc, est-ce que vous diriez que vous avez appris à aimer la création de bijoux ? Est-ce que, je vais vous dire, est-ce que vous avez toujours aimé les bijoux, mais comme vous l'avez dit, non, pas spécialement. Vraiment, je suis pas du tout ce genre de femme. Enfin, je suis un peu un garçon manqué. Et du coup, je suis pas du tout bijoux, quoi. Hein. Je m'en achète jamais, voilà. Et du coup, c'est vraiment de les fabriquer, moi, qui m'amuse. Après, ça peut m'arriver de porter une de mes créations, mais c'est très rare. Et surtout, ce que j'aime, c'est de voir mes créations sur les autres. En fait, ça me fait très plaisir. Mais c'est vraiment les meubles au départ, ma passion. Et puis, les bijoux, c'est un hasard, quoi. D'accord. J'ai tombé dedans et j'aime beaucoup les créer. D'accord. Et un élément justement qui me semble quand même important, c'est que sur vos différents réseaux sociaux, comme sur votre site internet, vous écrivez en anglais alors que pourtant vous êtes française. Donc je me doute un petit peu de la réponse, vu qu'on en a un petit peu parlé, mais ouais. Bon, nos auditrices et auditeurs ne l'ont pas entendu. Pourquoi ce choix d'écrire en anglais alors que vous êtes du coup française ? Eh bien, parce que je suis quelqu'un de... En fait, j'ai toujours été plus ou moins internationale. Enfin, j'ai toujours été pétrie d'influences étrangères. Et puis, dès que j'étais petite, on m'a mis des casques sur les oreilles avec des choses en anglais. Donc, j'ai appris l'anglais en écoutant des chansons en anglais. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été bonne en anglais. Et du coup, pour moi, c'est naturel. Et puis, c'est aussi un outil de travail indispensable. Enfin, quand vous travaillez sur une plateforme où vous avez des millions et des millions d'acheteurs qui voient vos produits dans le monde entier, c'est quand même très important de maîtriser l'anglais. Après, c'est peut-être un choix que j'ai fait aussi parce que les premiers clients que j'ai eus qui m'ont fait des retours positifs ou qui ont acheté mes créations, c'était des clients américains. D'accord. Parce que j'étais sur le site Etsy, donc qui est basé aux États-Unis. Et du coup... pour moi, en fait, si vous voulez, les acheteurs français sont venus beaucoup plus tard. Ils m'ont pas fait confiance parce que je suis pas du sérail, en fait. Hein, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas de formation, je me suis complètement autodidacte. Donc, je pense que pour un Français, il est plus méfiant, il a plus besoin d'être rassuré. Par contre, un client américain, lui, ça lui pose pas de problème. Il voit un objet qu'il aime et il va dépenser la somme qu'on lui demande. Et puis, si vous voulez, c'est pas du tout la même approche. Et voilà, c'est pour ça aussi que je me suis tout de suite mise à disposition, en fait, des gens qui allaient être mes clients. Et c'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'exporte dans le monde entier, mais que j'ai vraiment très, très peu de clients en Lorraine, quoi. Vraiment, et encore moins dans les Vosges. Et chaque fois que j'expose mes objets, je fais plus ou moins un bide, parce que je pense que les goûts d'ici ne sont pas les mêmes, en fait. Hein. Les gens, ils aiment bien les choses un peu rustiques, ou enfin, voilà, je vais peut-être parler plus à une clientèle jeune, en fait, qui aime bien la couleur, qui aime bien... Enfin, vous irez voir mes meubles, et c'est vrai qu'ils sont quand même très spéciaux. Donc, du coup, tout le monde ne voudrait pas ça chez lui, quoi. Hein, ce sont des objets d'art, etc. Donc, voilà. Et peut-être que j'ai des clients anglais ou américains qui sont un peu plus foufou et qui sont capables d'acheter, je sais pas moi, un canapé rose ou quelque chose comme ça qui détonne dans leur intérieur, quoi. Et donc, justement, en parlant de vente, etc., quelles sont à peu près une fourchette de prix de vos créations ? Alors, ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, je réfléchissais, je me disais que mes créations vont de 50 centimes à plus de 6 000 euros. D'accord. Donc, c'est vraiment un large panel. Si vous voulez, dans les meubles, il peut y avoir des canapés, des choses comme ça, donc ça peut être très, très cher. Après, les bijoux, en moyenne, si vous voulez acheter un sautoir, ça sera autour de 20, 25 euros. Une bague, ça peut aller de 20 à 40 euros. Voilà. Enfin, puis en mercerie, il y a des comme c'est une mercerie de récup, voilà, je vends vraiment. Et pareil, les livres, ça peut être 5 euros. Ou ça, si je trouve un livre rare, les prix peuvent monter très rapidement. Enfin, il y a vraiment une fourchette énorme de très, très large, en fait, de prix. Il y en a pour tous les budgets. Exactement. Et donc, justement, côté pratique, combien de temps cela vous prend-il pour rénover les meubles ? Alors, ça dépend du meuble. Donc, par exemple, en 2020, j'ai rénové complètement une armoire et ça m'a pris quand même un bon mois parce que il y avait tout un travail de création à faire dessus. Après, il faut compter aussi les temps de séchage, etc. Enfin, les sous-couches, etc. Et du coup, en fait, ça dépend vraiment du projet qu'on fait avec le client, mais je vous cacherai pas que pour moi, en fait, le temps de réalisation, il n'est pas très important parce que la plupart des objets que je vends, je ne les crée pas pour des clients, je les crée pour moi. D'accord. Et ensuite, je les mets en vente. Donc, j'ai très, très peu pour l'instant de clients qui viennent me voir en me disant « je voudrais que vous me relookiez ça ». J'en ai eu quelques-uns ponctuellement, mais ce n'est pas ce genre de travail que je fais, en fait. Donc, là, c'est une manière différente de travailler, c'est-à-dire que je propose un produit abouti. Et après, je trouve mon client. C'est pas le client qui vient me voir et qui me dit voilà, je voudrais que vous me fassiez ma cuisine en verre. Moi, ça, je le fais pas vraiment en fait. Ou si je peux étudier un projet avec un client, mais donc le temps de réalisation dépendra du projet qu'il me demandera en fait. Voilà. Et puis alors pour les bijoux, là, un bijou, je peux en créer un en 5 minutes ou ça peut me prendre. Comme je fais parfois de la résine et tout ça avec les temps de séchage, ça peut prendre une semaine peut-être pour faire une bague assez aboutie. Puis aussi, je me laisse le temps de réfléchir sur une création. Donc parfois, je les laisse de côté et puis j'y reviens. D'accord. Et donc, du coup, là, j'étais en train de relire ma trame en même temps, vu que j'ai des questions auxquelles on a déjà répondu, donc ça sert à rien que je repose la question. Et donc, du coup, que ce soit... Bien sûr, que ce soit la décoration des bijoux ou des meubles, etc., tout est fait manuellement, de manière artisanale. Alors absolument, ouais. C'est aussi parce que je suis pas très copine avec les machines. D'accord. C'est-à-dire, je suis un peu. J'ai fait en cours du soir en fait un CAP de menuiserie d'agencement. Donc ça, c'est quand j'étais professeur en fait, je m'étais dit tiens, je vais me professionnaliser, donc je vais passer un diplôme. Donc j'ai quand même un diplôme de menuisier, mais je suis incapable de faire un écarrage, je suis incapable de faire les choses toute seule. En fait, j'ai peur des machines. Donc du coup, mes meilleurs atouts, ce sont mes mains et c'est bon, voilà, je suis bonne dans certains domaines, par exemple au niveau des couleurs, etc. Là, je suis très habile. Par contre, je suis pas capable de faire de découper un truc en rond avec une scie sauteuse. J'ai besoin d'aide et justement ma collègue Fleur m'aide beaucoup parce que elle a pas peur et du coup voilà, ça me permet de sauter des étapes et d'arriver tout de suite à la création. Moi, je suis plus pour le second. Je fais le second œuvre en fait sur un objet, d'où le recyclage. Du coup, le recyclage, c'est bien parce qu'on prend un objet qui est déjà existant, donc il n'y a pas grand chose à fabriquer en fait. D'accord. On fait juste la déco. D'accord. Donc, en tant que, du coup, est-ce que vous êtes chef d'entreprise, même s'il n'y a pas de locaux ? Ouais. Du coup, est-ce que vous avez un ou une salariée, ou est-ce que Fleur, comme vous dites, est-ce que c'est votre salarié, votre équipière ? Ah non, pas du tout, elle est chef d'entreprise. Ah, elle aussi ? Oui, en fait, elle, c'est une amie. D'accord. Et on a créé notre entreprise à peu près au même moment. Et du coup, c'est une collègue, si vous voulez, qui me permet... C'est très important quand on crée une entreprise et surtout quand on est une femme, parce que c'est encore, faut pas se mentir, c'est encore dur aujourd'hui d'être une femme chef d'entreprise. On vous fait pas confiance, donc du coup c'est très important. C'était important pour moi d'avoir une amie ou quelqu'un sur qui je peux compter et avec qui on peut partager des expériences, parce que le cheminement de l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas. C'est des coups de déprime, c'est des absences de clients par moment, c'est des rushs, c'est tout un parcours. Et je crois que c'est très important d'avoir une espèce d'alter ego qui vit la même chose que vous. Après, c'est juste une amie. Enfin, on se partage les choses, on porte les choses en même temps. C'est-à-dire quand il y en a une qui va pas bien, on se remonte le moral, etc. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un de très important parce que ça a été toujours un soutien. Et puis, comme je vous dis, elle m'aide dans ma création. Et puis, moi, c'est pour ça que je parle d'elle aujourd'hui, parce que si elle n'avait pas été là à certains moments, peut-être que j'aurais décidé de fermer mon entreprise, quoi, hein, tout simplement. Et puis, on a toujours rebondi. Et moi, je l'encourage aussi. Elle fait un parcours magnifique aussi en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, voilà, je pense que c'est normal de parler d'elle, quoi. Maintenant, peut-être que je l'accueillerai pour une émission, peut-être. Et donc, il est 14h47, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie également, et que nous écoutions le chanteur russe Gafour, je crois qu'il est russe, en duo avec Elman, avec leur titre Morosi, que l'on pourrait traduire en français par gel. Eh oui, je me suis renseigné. Et donc, toujours au niveau des quelques références, j'avoue, j'ai pas trouvé grand-chose sur ce morceau, ou peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on écoute Marozi de Gafour en duo avec Elman, et on se retrouve juste après pour la suite, et déjà à la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Guimauzo, d'ici un peu plus de 3 minutes. Души морозы, но твои глаза меня греют, греют, та любовь. Морозы, но твои глаза меня греют, греют, та любовь. На твои глаза на мели, на мели. Все теперь создал для себя, для двоих. Каждый день, что буря отзывается внутри. Ты со мной от первой до последней капли сил. Смотри в глаза мои по любви. Все будет в радости, радости, ну. А я с тобой, кто бы не спросил. От первой до последней капли сил. На душе морозы, но твои глаза меня греют, греют, твою любовь. Морозы, но твои глаза меня греют, греют, твою любовь. На душе морозы, но твои глаза меня греют, греют, твою любовь. Морозы, но твои глаза меня греют, греют, твою. Сладкий сон, укрыв теплом. Как вернуть все то, что было медленно убито до боли. Как дать мне снова все твои удобные. С каждым днем становишься нужнее. Расскажи, как без меня тебе. Мы оба сломлены, будто под землей не-не-не. В каждой комнате я вижу след. Что было дорого и все так о тебе. На душе морозы, но твои глаза меня греют, греют, твою любовь. Морозы, но твои глаза меня греют, греют. Bon ben, ça va pas échapper, je suis encore en retard comme d'habitude. Voilà. Donc c'était Morosi de Gafour en duo avec Hellman sur Radio Gemozo. Donc vous vous en doutez, vous êtes de retour, il est 14h51 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Allemagne, en Suisse, en Belgique et même au Québec, malgré le décalage horaire grâce à cette application et à notre site internet. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Sophie, de l'entreprise Sophie L Design, qui est là pour nous parler de son métier, de son entreprise et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Oui. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, vous êtes habitué désormais, pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre de Gafour en duo avec Hellman ? Alors, bah, c'est parce que je me suis mise à apprendre le russe. D'accord. Et du coup, j'ai besoin de l'entendre vocaliser. Mais les gens, quand ils parlent russe, ils parlent trop vite pour moi. Donc, du coup, dans les chansons, c'est bien parce qu'ils parlent plus lentement. Et je sais pas, je suis tombée sur cette chanson et puis j'adore. Et voilà, je l'écoute en boucle et ça m'aide à. Enfin, je la chante. Voilà, je commence à comprendre ce que ça veut dire. Et voilà. D'accord. À part le titre, moi je n'ai rien compris, mais au moins le rythme est sympa. Pour garder la traduction. Je jetterai un coup d'œil. Et donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Alors non, mais moi je voudrais juste encourager les gens qui sont en reconversion professionnelle, parce que je voulais dire qu'en fait, la vie est très longue et on choisit pas toujours. En fait, parfois on ne sait pas ce qu'on veut faire et donc il faut se donner la chance. En fait, si vous avez un rêve, il faut poursuivre votre rêve et puis il faut jamais rien lâcher et il faut, même si les gens essayent de vous décourager, je pense qu'il faut tenir bon et puis voilà. En fait, enfin moi ce que je voulais faire c'est surtout ça parce que je suis vraiment un exemple de transformation de vie en fait hein. Et puis on peut en avoir plusieurs dans la vie en plus des transformations, donc qui sait ce que je serai plus tard, mais voilà, c'est pour encourager les personnes qui sont en train de faire ce choix. Voilà, battez-vous pour vos rêves et vos rêves exactement. Se battront pour vous. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver si nous voulons vous suivre et suivre l'avancée du coup de votre entreprise, de vos entreprises, de vos marques? Comment pouvons-nous faire? Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, toutes les pages Facebook. Vous cherchez Sophie L Design et puis vous allez trouver en fait des liens vers tout, vers les boutiques. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Par contre, je suis pas du tout présente sur Twitter, seulement Instagram et Facebook. Et puis, vous pouvez vous inscrire aux newsletters en fait de chacun de mes sites. Donc, vous recevez à peu près en moyenne une newsletter par mois, deux si j'ai le temps. Et puis comme ça, vous pourrez suivre l'évolution. Et c'est une newsletter écrite en français ou en anglais? Alors, elles sont écrites en français et en anglais. D'accord. Voilà. Donc, chaque paragraphe est traduit. Donc, normalement, c'est accessible pour tout le monde. D'accord. Je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission pour vous retrouver facilement, du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le succès, la réussite. Voilà, tout simplement. Et est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Alors, je voudrais remercier publiquement ma famille de me soutenir et puis d'être là pour moi et surtout mon père. Voilà. Je voudrais lui dire merci parce que il est aussi là pour moi et c'est très important. Voilà, c'est un joli message. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois Sophie d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail si vous voulez la récupérer, la partager, etc. En attendant, je vous laisse en musique avec après le générique avec Count Basie ou Basie avec son titre Softly With Feeling. Voilà, juste après le générique. Donc quant à nous, on se retrouve demain jeudi à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc voilà, merci de votre fidélité à Radio Gemozo et du coup, je vous dis à demain. Donc c'est salut et à demain.